Petit Rastaman, j'aimerais te ressembler, avoir tes racines et les mêmes origines. Descendre de ce mouvement mystique qu'est le rastafarisme, propre aux gens qui vivent sur l'île de la Jamaïque, man. Te ressembler, avoir tes racines et les mêmes origines. Descendre de ce mouvement mystique et leur rastafarisme. Propre aux gens qui vivent sur l'île de la Jamaïque, man. Petit Rastaman, tu traverses des collines que tu as transformé en champ de sensimilia. Petit Rastaman, tu découvres ta nature, loin, loin, loin de ces grandes impostures, man. Aujourd'hui tu as grandi, tu as construit ta vie sur la voie de ton empereur. Aliès Selassie I, le premier Rastafari, celui qui te guide et t'amène vers le Yesai. Mais pour suivre cette voie, petit Rastaman, heureusement que le reggae music est là. Il transporte avec lui toutes ces émotions que je ressens à travers les vibrations. Rastaman, heureusement que le reggae music est là. Il transporte avec lui toutes ces émotions que je ressens à travers les vibrations. Avoir tes racines et les mêmes origines. Merci beaucoup. Merci. Ok, on va essayer de s'énerver un petit peu et de remettre la sauce dans la salle. Non? Ah ouais, eh ben non.